نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، continue donc toujours la série de cours de l'explication de l'excellent livre de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, qui a pour titre la description de la prière du prophète alayhi salatu wassalam, du Tekbir au Teslim comme si tu la voyais. Explication faite par Cheikh Mohamed ben Omar Bazmoul hafidahullah ta'ala, et on est arrivé au chapitre qui a pour titre la récitation du Coran lentement et clairement en embellissant la voix. قال المصنف رحمه الله تعالى ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها. وكان عليه الصلاة والسلام كما أمره الله تعالى يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، حتى كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وكان يمد قراءته عند حروف المد، فيمد بسم الله، ويمد الرحمن، ويمد الرحيم، ونضيد، وأمثالها. وكان يقف عليه الصلاة والسلام على رؤوس الآي كما سبق بيانه. وكان أحياناً عليه الصلاة والسلام يرجع صوته. يوم فقد أنا سأكس كسافدير الترجيع إن شاء الله، كما فعل يوم فتح مكة وهو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن المغفل ترجيعه هكذا وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. ويقول إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وكان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول تعلموا كتاب الله وتعاهدوه واقتنوه وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد من المخاض في العقل. ويقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ويقول ما أذن الله لشيء ما أذن، وفي لفظ كأذنه لنبي حسن الصوت، وفي لفظ حسن الترنم، يتغنى بالقرآن يجهر به. وقال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أرضاه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى لو علمت مكانك لحبرت لك، يريد تحسين الصوت تحبيرا. Donc l'auteur qui est Cheikh Al-Albani rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit la récitation du Coran lentement et clairement en embellissant la voix. Et il dit conformément à l'ordre d'Allah le Très-Haut, le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran lentement et clairement, tertil, sans hâte ni empressement. Au contraire, chaque lettre dans sa récitation était prononcée clairement et distinctement de l'autre. Il récitait une sourate si lentement qu'elle prenait plus de temps qu'une autre sourate plus longue. Il disait, alayhi salatu wassalam, on dira à celui qui avait l'habitude de réciter le Coran, lis, élève-toi et récite, rettil, comme tu le faisais dans le bas monde, car ta place se trouve au niveau du dernier verset que tu liras. Il y a peut-être déjà des frères et des sœurs qui se posent la question, est-ce que cette grande préséance et cette grande récompense, est-ce que pour le mémorisateur du Coran, le Hafid al-Qur'an, ou est-ce que c'est pour toute personne qui lit le Coran? Cheikh va donner la réponse dans un instant, inshallah. D'autre part, il a allongé les voyelles lorsqu'il faut comprendre ça. Al-Mad, c'est quoi Al-Mad? On va l'expliquer dans un instant, c'est une voyelle longue. Lorsqu'il lisait les voyelles longues, eh bien, il allongeait les voyelles. Ainsi, il allongeait les voyelles dans Bismillah, et Ar-Rahman, et Ar-Rahim, et Nadid, et tout ce qui y ressemble. Il s'arrêtait, alayhi salatu wassalam, à la fin de chaque verset, comme nous l'avons expliqué précédemment, littéralement à la tête de chaque verset. Parfois, il répétait les voyelles, ce qu'on appelle At-Tarji', notamment le jour de la conquête de la Mecque, Yom al-Fath, alors qu'il était sur sa chamelle, alayhi salatu wassalam, et lisait surat la conquête, d'une voix douce. Et c'est numéro 29, et il y a 48 versets. 48, hein? 48 et 29 versets, hein? Sans tromper encore une fois, ou... Il a lisé d'une voix douce. Abdullah ibn al-Mughaffil a décrit le tarji' du prophète alayhi salatu wassalam comme produisant le son suivant. En outre, le prophète alayhi salatu wassalam ordonnait d'embellir la voix avec le Coran. Embellissez le Coran avec vos voix, car la belle voix donne encore plus de beauté au Coran. Il disait alayhi salatu wassalam, parmi les plus belles voix à la récitation du Coran est la voix de celui en qui vous sentez la crainte d'Allah lorsque vous l'entendez réciter. Il ordonnait alayhi salatu wassalam aussi de psalmodier le Coran. Apprenez le livre d'Allah, révisez-le constamment, conservez-le et psalmodiez-le. Par celui qui tient mon âme en sa main, c'est-à-dire qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran s'échappe plus facilement de la mémoire, c'est ça qu'il faut comprendre ici, que les chameaux attachés à leurs cordes. Il disait, celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Il disait encore, Allah n'écoute pas une chose plus qu'il n'écoute un prophète qui a une belle voix, psalmodier le Coran et le réciter à voix haute. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu ardah, si tu savais qu'hier, j'étais en train d'écouter ta récitation, tu as reçu, certes, une des voix de Al-Daoud. Et on va voir qu'Al-Daoud, en fait, c'est Daoud lui-même, alayhi salatu wassalam. Un mizmar parmi les mezamirs de Al-Daoud. Et donc, Cheikh Bezmoul, il dit dans son intention de bas de page pour les frères qui ont le livre en arabe devant eux, « عَلَّقَ al-musannifu rahimahullah, fi صِفَةِ صَلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَةُ وَالسَّلَامِ عَلَى هَذَا الْمَوْضِعِ بِقَوْلِهِ قَالَ الْعُلَمَاءِ الْمُرَادُ بِالْمِزْمَارِ هُنَا الصَّوْتُ الْحَسَنِ وَأَصْلُ الزَّمْرِ الْغِنَاءِ وَآلُ داود هو داود نفسه وآلُ فلان قد يطلق على نفسه وكان داود عليه الصلاة والسلام حسن الصوت جدا ذكره النووي رحمه الله في المنهاج شرح صحيح مسلم. Cheikh Bezmoul, il dit donc dans son annotation de bas de page, l'auteur, qui est qui, Cheikh Al-Albani rahimahullah, a annoté ce passage lui-même dans la description de la prière du prophète, alayhi salatu wassalam, dans son propre livre, en disant, les savants ont dit, ce qui est voulu par Mizmar, ici, c'est As-Sawtul Hassan. C'est-à-dire quoi, là, la belle voix. Et la base, l'origine de Az-Zamr, c'est Al-Ghina, le chant. Et on va voir dire que ceux qui expliquent le fait de psalmodier le Coran par le fait de chanter ou d'aller dans certaines mélodies, etc., on va dire que c'est un tafsir qui est mubtada, qui est innové et que les ulama réfutent. Et Al-Daoud, c'est Daoud lui-même, alayhi salam. Et Al-Fulan, c'est-à-dire la famille d'un tel, peut être dit pour la personne elle-même. Et Daoud, alayhi salam, avait une très belle voix. Ceci a été dit par An-Nawawi rahimahullah dans son explication de l'authentique de Muslim. Cheikh Bezmoul continue en disant, et en fait pardon, c'est Cheikh Al-Albani rahimahullah, alors Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu a répondu, si je l'avais su, j'aurais embelli davantage ma voix et j'aurais récité avec mélancolie. Alors maintenant on a l'explication de Cheikh Bezmoul, Mohamed ibn Omar Bezmoul, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le préserve et le récompense par le Firdaus al-A'la, de ce passage en disant, هذا الفصل يحتوي على عدة مسائل وهي المسألة الأولى. Ce chapitre comprend un certain nombre de points qui sont les suivants. Le premier point. ترتيل القرآن. أمر الله نبيه بترتيل القرآن فقال ورتل القرآن ترتيلا. سورة المزمل. الترتيل هو بمعنى ترتيب الشيء. تقول هذا شيء رتل يعني مرتب يأتي بعضه بعد بعض. والترتيل هو إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. وقد وصف المصنف رحمه الله هذا الترتيل بأنه لا هذا ولا عجلة. والهذ هو القراءة السريعة التي يتلفظ بها القارئ بالألفاظ التي يقرأها بسرعة. يقول يهذها هذا. والعجلة هي كذلك ولكنها أشد منها. إذن قراءة القرآن العظيم السنة فيها أن يرتل. فترتيل القرآن يعني إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه صفته وحقه من المد من الحركة كما أنزله الله سبحانه وتعالى. هذا هو الترتيل. عليكم السلام. هذا هو الترتيل. فيقرأ القارئ بتأنٍ مع إعطاء كل حرف مخرجه وصفته وما يستحقه من المد. إذا كان من حروف المد أو من الحركة بحسب ما أنزله الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه القراءة المرتلة تجعل السورة أطول مما هي عليه. ولذلك جاء في الحديث كان يرتل السورة عليه الصلاة والسلام حتى تكون أطول من أطول منها. فيقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا. Ce chapitre comprend donc un certain nombre de points, comme on l'a déjà dit, qui sont les suivants. Le premier point tiré de ce chapitre concernant, comme on l'a dit, la récitation du Coran lentement et clairement en embellissant la voix. Comme cela. Psalmodie le Coran, tertil le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, alayhi salatu wassalam, de psalmodier le Coran dans le verset dont la traduction du sens est « et récite le Coran lentement ». Et clairement, Sourate Al-Muzammil, verset 4. Waratil al-Qur'an tartila. Le tartil vient avec le sens de tartib. Du verbe rattaba yurattibu tartiban. Organisation, si vous voulez. Tu dis, ceci est une chose ratal, c'est-à-dire organisée, murattab. Une chose après l'autre. Le tartil, c'est quoi? Comme cela. C'est donner à chaque lettre son droit et ce qui lui est dû. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, chez Cheikh l'Albani, rahimahullah, a décrit ce tertil comme étant sans hâte ni empressement. On va voir plus tard dans le cours, Inch'Allah, normalement aujourd'hui encore, Inch'Allah, qu'il y a trois manières de lire le Coran. Il y a tahqiq, wa tadwir, wa al-hadr. Et Cheikh al-Hussari, il a rapporté un quatrième qui est tertil, et certains ulama comme le Jazari, il a rendu en fait que tertil. Ou plutôt le tahqiq, c'est un des genres de tertil. On va voir ça, Inch'Allah, dans un instant. Al-hadhu, c'est parce qu'il est dans le hadith, la hadhan wa la ajalatan, sans hadh et sans ajala. C'est-à-dire, l'hadh, c'est la lecture rapide, lors de laquelle le lecteur prononce les paroles avec rapidité. On dit yahudduhu hadhan. Et l'ajala, c'est la même chose, mais plus encore que l'hadh. Eh bien, la sunna dans la lecture du Coran est donc de faire quoi? At-tartil. At-tartil. Le tartil du Coran, c'est faire sortir chaque lettre de son makhraj. Makhraj en anglais, quand dans le cours de tijoud aux enfants, on appelle ça exit point. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait littéralement l'endroit duquel sort la lettre. Makhraj al-huruf. Et c'est quelque chose de très important dans le tijoud avec ce qu'on appelle sifat aussi. Et donc le makhraj, c'est l'endroit d'où sort la lettre. Et de donner à la lettre sa sifat. Pour ceux qui veulent, j'ai fait une petite annotation pour les frères qui veulent un peu plus savoir au niveau du tijoud, c'est important quand même. Pour ceux qui veulent lire au sujet des sifat, je leur recommande de lire le chapitre Sifatul Huruf. Dans le livre de Cheikh Mahmoud Khalil al-Hussari, vous connaissez Cheikh al-Hussari, le grand lecteur du Coran, vous savez que c'est un Cheikh dans le Qira'at, il a un livre qui s'appelle Ahkam Qira'at al-Qur'an. Il a dit dans ce livre, donc Ahkam Qirat al-Qur'an, page 77, 77 et suivante, aux éditions Dar al-Bashair al-Islamiyya, Sifat al-Huruf, alhamdoukallah. Sifat al-Huruf. Donc pour les frères qui veulent plus savoir au niveau des sifat, c'est quoi une sifa, hein, eh bien qui retournent à ce livre-là. Il y a d'autres livres, comme un livre que je recommande vivement, que j'ai déjà fait à l'époque et qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le Moulakhas al-Mufid fi ilm al-Tajwid, d'un shir qui enseigne à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, et d'autres livres comme Tuhfat al-Atfal qui est très connu, hein, c'est une poésie dans le Tajwid pour les enfants, qui est écrit à la base pour les enfants et qui est expliqué, des explications très faciles, hein, qui ont été faites et qui ont été imprimées. Mais pour le sifat, c'est plus dans les livres hein, détaillés, comme je vous l'ai dit, le livre de Cheikh al-Hussari et le Moulakhas al-Mufid, etc. Et de donner à chaque lettre son droit en allongement, évidemment si c'est une lettre qu'on allonge, et en haraka, en voyelle. Donc c'est ça quoi le tertil. C'est-à-dire de le donner comme Allah l'a révélé. Ceci est donc le tertil. Le lecteur lit donc posément, doucement, en donnant à chaque lettre son makharaj, sa sifah. Et ce qu'il est en droit d'avoir comme med allongement, eh bien évidemment si la lettre fait partie de celle qu'on allonge, ou comme voyelle, en fonction de comment Allah l'a révélé. Hein? Les ulama du Tajwid, ils disent que huruf al-med, ils sont trois. Al-alif, wal-waw, wal-ya. Hein? Suivez, hein? J'ai raison ou pas? Alif, wal-waw, wal-ya. Mais il met des conditions, c'est que ce qui est avant, il soit mujanas. C'est-à-dire que quoi? Que ce qui est avant, il y ait une fatha pour l'alif, ou une kasra pour l'ya, ou une damma pour al-waw. Et bien, quand il y a ça, on appelle ça un mad. Et le moudoud, il y en a neuf. Hein? Et comme les ulama de Tajwid, pour Talib al-Ilm qui veut utiliser le Tajwid, il ne peut pas ignorer les neuf catégories de Moudoud. Hein? Pour les frères qui sont intéressés, j'ai beaucoup de cours d'un quelqu'un qui a parmi les plus hautes chaînes de transmission dans le Coran. Hein? Pour ceux qui veulent, Inch'Allah, je l'ai sur mon disque dur, Inch'Allah. Donc pour ceux qui veulent avoir le tout et avoir des explications en détail, Inch'Allah. J'ai aussi l'explication de Cheikh Al-Afghani. Hein? Qui était enseignant, j'espère qu'il est toujours, parce que je sais qu'il était malade, je ne sais pas, j'ai même entendu qu'il était très très malade et qu'il était au lit, c'est ça, il y a presque plus d'un an maintenant, à la Kulihal, et qui est donc enseignant à la mosquée du prophète Azam, c'est le cheikh hein, du Coran à Médine, et notamment nos chouïrs ont étudié chez lui, et j'ai son explication notamment d'Al Jazeera, donc pour ceux qui veulent les audios, bien qui prennent contact avec moi, Inch'Allah. Donc on a dit quoi? Le lecteur lit donc posément, doucement, en donnant à chaque lettre son makhraj, sa sifah. Makhraj et la sifa. Et ce qu'elle a en droit d'avoir comme med allongement si la lettre fait partie de celle qu'on allonge. Ou comme voyelle en fonction de comment Allah l'a révélé, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucun doute que cette lecture posée, al-qira'a, al-murattala, bien fait que la sourate devient quoi? Plus longue que ce qu'elle est. Et c'est pour cette raison qu'il a été rapporté dans le hadith, il récitait, alayhi salatu wassalam, une sourate si lentement qu'elle prenait plus de temps qu'une autre sourate plus longue. Rapporté par Muslim et l'imam Malik, et quand on dit Muslim, c'est évidemment dans son Sahih, et quand on dit Malik, c'est dans son Muwatta, hein, dans Alal Itlaq, ou la Inda Itlaqihi. Il lisait donc d'une lecture à chaque lettre, où chaque lettre était prononcée clairement et distinctement de l'autre. Donc ça, c'était donc le premier point tiré de ce chapitre. Al-Mas'alatu Thaniya. قالوا عليه الصلاة والسلام وكان يقال لصاحب القرآن ويقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأها. أقول القائل شيخ بزمول حفظه الله هذا في الأجر العظيم والفضل الكبير عند الله سبحانه وتعالى للذي يكثر من قراءة القرآن. Alors on a la réponse à notre question. Est-ce que cette immense récompense, hein, que la personne, yom al-qiyama, elle va lire le Coran. On va lui demander hein, de lire le Coran et il va lire. Et au plus il lit, comme il lisait dans la dunya, eh bien, au plus son degré sera élevé au paradis. Quelle récompense et quelle préscience! Alors la question qui se pose peut-être pour certains et certaines, c'est de savoir, est-ce que cette récompense est pour le hufad uniquement, hasran, ou bien c'est pour toute personne qui avait l'habitude de lire le Coran dans la dunya? Mais la réponse, elle est là. وظاهر هذا اللفظ ثبوت هذا الأجر بمجرد أن يكثر من قراءة القرآن ولو كان المرء غير حافظ. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يلهم من أكثر قراءة القرآن يوم القيامة أن يستحضر القرآن الكريم فيقرأ ويرتل، وكلما قرأ ورتل ارتقى في درجات الجنة، يعني ترتفع درجته في الجنة. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آيات تقرأها. وقد يكون معنى هذا الحديث في من حافظ القرآن عن ظهر قلب، ولكن المعنى الأول الأظهر في معنى هذا الحديث. deuxième point tiré de ce chapitre, on va en tirer quatre aujourd'hui inshallah. Sa parole, alayhi salatu wasalam, dont le sens est: on dira à celui qui avait l'habitude de réciter le Coran: lis, élève-toi et récite, rattil, comme tu le faisais dans ce bas monde, dans le bas monde, car ta place se trouve au niveau du dernier verset, pardon, que tu liras. Je dis, c'est-à-dire Cheikh Bazmoul, il y a en cela l'immense récompense et la grande préséance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour celui qui multiplie la lecture du Coran. Donc il y a quoi là-dedans pour nous déjà qu'on comprend comme nasiha, hein? Eh bien l'incitation à multiplier la lecture du Coran. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on fasse partie des gens du Coran. Ahlullahi wa khassatuhu, comme le prophète Assoum Sam l'a dit, les gens d'Allah, hein? Wa khassatuhu. Wa min al-mahirina bil Quran. Ce qui est apparent de la formulation du hadith, eh bien c'est l'affirmation de la récompense pour le simple fait de multiplier, de lire beaucoup le Coran, et ce même si l'individu n'est pas un hafiz, un mémorisateur du Coran. Et ce car Allah inspire le jour du jugement dernier à celui qui avait l'habitude de lire beaucoup le Coran, de se rappeler le Coran. Il lira donc et récitera, tel-t-il, psalmodira, et autant il lira et psalmodira, autant son degré sera élevé au paradis. C'est-à-dire que son degré s'élèvera au paradis, autant il récitera, il fera, hein, le tertil du Coran. Lis, élève-toi et récite comme tu le faisais dans le bas monde, car ta place se trouve au niveau du dernier verset que tu liras. Le sens de ce hadith pourrait être que cela est pour celui qui a mémorisé le Coran par cœur, « indahri qalb » comme on dit en arabe. Mais le premier sens de ce hadith est le plus apparent, le plus fort, et comme on a dit, c'est celui qui augmentait, qui lisait beaucoup le Coran dans la dunya. Troisième point tiré de ce chapitre. المسألة الثالثة ذكر المصنف رحمه الله في صفة قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد قراءته عند حروف المد فيمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم ونضيد البخاري وأمثالها. يعني البخاري يغبط لا سيت وأمثالها تجيك كل ال versets ou les mots en tout cas où il y a un mad similaire, d'accord. وكان يقف على رؤوس الآي وكان أحيانا يرجع صوته كما فعل يوم فتح مكة يوم فتح مكة هو على ناقته يقرأ سورة الفتح قراءة لينة. وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجعه هكذا. Alors j'ai essayé de trouver vraiment en détail, en audio en tout cas, c'était quoi précisément le tarji'. J'ai trouvé une explication de Cheikh Al-Uthaymeen dans Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid, mais ça il faut revenir au ulama du Tajwid pour savoir exactement. Cheikh Al-Bazmoul il va expliquer, mais je parle en pratique maintenant, d'accord, pour savoir comment on fait vraiment le tarji'. Revenez aux spécialistes en la matière. وليس المراد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد القراءة أنه يمد بمد خارج عن المد المعروف، وذلك أن المد أقله حركتان وأكثره ست حركات، والظاهر أن مد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد عن ست حركات. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد، وكان يرجع، أي أنه يردد عليه الصلاة والسلام المد ويردد الكلمة في قراءته وتلاوته عليه الصلاة والسلام، فكلما قرأها رجع عفوا إراجع إليها. وسبق بيان معنى الوقوف عند رؤوس الآية وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآية، وذلك عند علماء القراءات يسمى بوقف السنة، والذي حرروا بعض الباحثين أن هذا الوقف وقف سنة إنما يكون إذا لم يرتبط آخر الآية التي بعدها، بحيث لو وقف على رأس الآية لا تجد فسادا في المعنى، فإن أحدث الوقف على رؤوس الآية فسادا من المعنى لم يكن الوقف في مثل هذا المحل من السنة. Alors qu'est-ce que le cheikh nous dit, Bazmoul Hafidahullah Ta'ala, comme troisième point à tirer de ce chapitre? Eh bien, l'auteur qui est Cheikh l'Albani Rahimahullah a dit concernant la description de qui, de quoi? De la récitation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il allongeait, on parle de quoi ici? Allonger les voyelles longues, bien sûr. Il allongeait Bismillah, et il allongeait Ar-Rahman, et il allongeait Ar-Rahim, et Nadid. Rapporté par Al-Bukhari, rahimahullah, et d'autres similaires, et qu'il s'arrêtait à la fin de chaque verset. Et des fois, il répétait les voyelles, qu'est-ce qu'on appelle quoi ? Tarji'. Comme il l'a fait le jour de la conquête de la Mecque, alors qu'il récitait sur sa chamelle, Surat al-Fath. 29 et il y a 48 versets. D'une voix douce, Abdullah ibn Mughaffil a rapporté que ce tarji' était de la manière suivante. J'ai dit, pour l'application de ça, il faut revenir aux spécialistes en la matière. Moi, je lis ce que le cheikh dit ici. Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ça c'est, c'est pas dans le livre, c'est moi qui vous le rapporte. Il dit dans son explication de Sahih al-Bukhari, Kitab al-Tawhid, et c'est la cassette numéro 32, que al-tarji', ça vient de al-tardid, la répétition. Et que les savants ont discuté, est-ce que le tarji', c'est une sunna, ou bien est-ce que c'est ja'iz? Car certains savants ont dit que le prophète a lu de cette manière car il était sur sa chamelle qui bougeait. D'accord ? Mais Cheikh Al-Uthaymin a dit que c'est quoi ? Que c'est une sunna. La vie le plus fort, c'est une sunna. Ce qui est entendu ici, ce n'est pas que le messager d'Allah allongeait la lecture plus que ce qui était connu. Il ne faut pas comprendre cela. Car le maître d'allongement est au minimum de deux harakat, deux temps. Les savants disent, au sujet de la haraka, c'est quoi? Pour les frères qui savent répondre à ça, quand on dit deux haraka, ou quatre haraka, ou six harakat, c'est quoi une haraka? Comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi une haraka? Mais c'est quoi? Comment tu mesures ce temps? Voilà, c'est ça la question. Il y a des gens qui bougent leurs doigts. Les ulama, ils ont dit c'est le temps de qabd al-usbu ou bastuhu. C'est quoi le temps de lâcher, de prendre un doigt, de ramener un doigt si vous voulez. C'est un peu difficile pour les gens qui me voient pas là, à comprendre, mais à la coulée, revenons au livre des Tijouïd. C'est le fait de ramener un doigt vers toi ou bien de relâcher. C'est ça un temps. Donc deux temps, c'est ça. Quatre temps, c'est ça. Six temps, c'est ça. D'accord ? Je rentre pas là-dedans. Et le maximum, c'est quoi? C'est 6 harakat. Il y a 2, 4 ou 6. Et ce qui est apparent, c'est que le maître du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas 6 harakat. C'est donc de cette manière qu'il allongeait les voyelles longues. Et il faisait le tarji', c'est-à-dire qu'il répétait le maître. Il répétait le mot dans sa lecture et dans sa récitation. Chaque fois qu'il la lisait, il y revenait. Dans ce qui a précédé, on a déjà vu le sens de s'arrêter à la fin ou à la tête, si vous voulez, de chaque verset. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Et ceci est appelé par les savants des récitations du Coran, waqf al-sunnah. Parce que les arrêts dans le Coran, on les appelle quoi? Un waqf. D'accord? C'est un des chapitres dans le chapitre de la lecture du Coran. Et bien ce waqf-là, de s'arrêter à la tête de chaque verset, c'est quoi? Waqf al-sunnah. C'est comme ça que l'ulama du Tijoui, l'ulama de Qira'at, des récitations du Coran, il l'appelle. Et ce qui a été rapporté par certains chercheurs, c'est que waqf sunnah n'a lieu que lorsque la fin d'un verset n'est pas liée à ce qui le suit. Et que donc, si le lecteur s'arrête, cela n'affectera pas le sens. Regardez ce qu'il veut dire le cheikh ici, écoutez. Tandis que si s'arrêter à la fin du verset, comme on a dit, c'est waqf sunnah, mais attention, si s'arrêter à la fin du verset implique que ça affecte le sens, alors cet arrêt n'est en aucun cas un arrêt de la sunnah, un waqf sunnah. D'accord ? Quatrième point, dernier point qu'on va citer aujourd'hui, inshallah. قوله عليه الصلاة والسلام المسألة الرابعة زين القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن المقصود بالتغني تحسين الصوت في القرآن والتلاوة وليس المقصود منه أن يقرأ القرآن على أوزان الغناء والألحان لا فإن هذا بدعة وقد أنكره أهل العلم إنما المقصود أن يقرأ القرآن قراءة مرتلة مجودة يعطي فيها كل حرف حقه ومستحقه يتخشع القارئ في هذه القراءة ويحسن صوته في هذه القراءة محسنا أداءه فيها هذا هو المراد بالتغني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن ومن فسر التغني بقراءته على أوزان الغنى والألحان فقد فسره بتفسير مبتدع وهذا التفسير باطل رده أهل العلم وامتدح الرسول صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري في ترنمه للقرآن الكريم وتحسينه لصوته فإنه سمع مرة يتلو القرآن فاستمع له ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم له لما رآه لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يغضي الفضل الصحابة يمجيني فوك البخوفات عزم يكوت تغستاسيون لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود فقال أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه لو علمت مكانك لحبرته لك تحبيرا أي لحسنت لك صوتي وحزنته وتخشعت فيه أكثر لينال إعجابك أكثر بأبي أنت وأمي يا رسول الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أورده المصنف ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به ويحسن به صوته وللفائدة أذكر لكم هذه الأمور القرآن الكريم في صفات قراءته ثلاث صفات عند القراء بالشيخ va rapporter les trois manières de quoi de lire le Coran on a dit quoi c'est التحقيق والتدوير والحذر on va s'arrêter là et puis on va traduire la suite pour que ça fasse ce soit pas trop long pour vous inshallah alors on a dit quoi quatrième point sa parole عليه الصلاة والسلام embellissez le Coran avec vos voix, car la belle voix donne encore plus de beauté au Coran. Et sa parole, alayhi salatu wassalam, en tout cas la traduction du sens du hadith, celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Ce qui est voulu par At-Tarani ici, hein, c'est l'embellissement de la voix. Il ne faut pas comprendre que ça vient de l'rina de chanter, comme veut dire le shir ici. Hein. Attention à ça. At-Tarani, c'est l'embellissement de la voix, tahsin al-sawt, en lisant et en récitant le Coran. Et cela ne veut pas dire qu'on lise le Coran comme les airs d'une chanson ou de mélodie. Non, car cela est une innovation réprouvée par les gens de science. Ce qui est voulu, c'est une lecture embellie, psalmodiée, en donnant à chaque lettre son droit et son dû. Ouais, c'est facile à dire, mais c'est difficile à faire. Le lecteur récite avec recueillement, en embellissant sa voix dans cette lecture et en s'en acquittant avec excellence. Et c'est ce qui est voulu par At-Tarani. Celui qui ne psalmodie pas le Coran n'est pas des nôtres. Et celui qui explique la lecture avec At-Tarani comme sur le rythme des chansons et des mélodies, il aura alors expliqué cela d'une explication innovée. Tafsirun mubtada. Et cette explication est fausse, réfutée par les gens de science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait l'éloge de qui de Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu arda. Concernant quoi sa psalmodie du Coran et son embellissement de sa voix. Et c'est lorsqu'il l'a, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, entendu lire une fois, il se mit alors à l'écouter. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit lorsqu'il le vit, si tu m'avais vu écouter ta lecture hier, tu as certes reçu l'une des voix de Al-Daoud, c'est-à-dire de Daoud, alayhi salam. Abu Musa lui répondit, radiallahu anhu, si je l'avais su, j'aurais davantage embelli ma voix pour toi, et j'aurais récité avec mélancolie. C'est-à-dire, j'aurai embelli ma voix pour toi et la mélancolie dans ma voix afin que tu te recueilles plus lors de ma lecture, afin que tu en sois encore plus satisfait. Hein? Bi abi, bi abi wa bi ummi wa abi. Ya Rasulallah, vous savez que ce qu'on avait dit à ce sujet-là, c'est ce que Cheikh l'Éthiopie l'avait dit, il ne faut pas croire qu'il jure par sa mère et son père. On avait dit quoi? C'est une manière de, chez les Arabes, de dire « Je sacrifie mon père et ma mère pour toi, ô messager d'Allah. » Hein? C'est-à-dire « Ufdika ». C'est ça que ça veut dire en fait dans la langue arabe. Et donc on a dit quoi? Que je sacrifie ma mère et mon père pour toi, au messager d'Allah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith rapporté par l'auteur, qui est Cheikh al-Albani, rahimahullah, Allah n'écoute pas une chose. Hein, du verbe adhina, al-Mundir, rahimahullah, il dit qu'avec le kasr, hein, adhina. Ici, écoutez. N'écoute pas une chose plus qu'il n'écoute un prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui a une belle voix, psalmodier le Coran. Donc Allah n'écoute pas une chose plus qu'il n'écoute un prophète qui a une belle voix, psalmodie le Coran. C'est-à-dire qu'il le lise à voix haute et embellisse sa voix. À titre de bénéfice, je vous rapporte ces points suivants. C'est Cheikh Bazmoul qui parle. Il y a trois manières chez les lecteurs du Coran de lire le noble Coran. Alors moi, je vous ai rapporté quelque chose qui n'est pas dans le livre ici. Cheikh Mahmoud Al-Hussari, le grand lecteur du Coran que vous connaissez, il a dit dans le livre que j'ai précité, Al-Ahkam fi Qira'at al-Qur'an, page 329, 330 et 331, il a donné quatre manières, lui, différentes de lire le Coran. Il a dit « At-tirtil, wa-t-tahqiq, wa-t-tadwir, wa-l-hadr ». Donc, vous voyez bien qu'il en a rajouté un par rapport à qui? Par rapport à ce que cite Cheikh Bazmoul ici. C'est-à-dire une de plus que Cheikh Bazmoul. Et c'est « At-tirtil, at-tahqiq, at-tadwir et al-hadr ». Puis il cite Cheikh Al-Hussari, une parole de l'imam Al-Jazari dans An-Nashr, volume 1, page 205-208. C'est tout le livre des Qira'at en fait. Qui en donne trois. Al-Tahqiq, Al-Tadwir et Al-Hadr. C'est-à-dire en fait que le Tahqiq est l'un des genres de Tertil. Maintenant il va rapporter la première, que le Tahqiq va expliquer c'est quoi. الأولى التحقيق وهي القراءة شديدة التأني يعطي كل حرف حقه ومستحقه على الوجه الأكمل فإذا جاز من في المد أربع حركات وحركتين أعطاه أربع وإذا جاز بالمد بالست أو أربع أعطاه ستا وهكذا هذه القراءة اسمها قراءة التحقيق وأقرب شيء لهذه القراءة ما تسمعونه في المصحف المرتل للشيخ الحصري والمنشاوي رحمهما الله تعالى فهذه أقرب قراءة للتحقيق. Première des trois manières de lire répertoriées, hein, par, on avait dit quoi, que si les gens qui en donnent quatre, en fait c'est pour dire que quoi, que le tahqiq c'est un des genres de tertil. La première, le tahqiq, c'est le fait de lire très très posément, doucement, de donner à chaque lettre son droit et son dû de la manière la plus parfaite, la plus complète. S'il est autorisé, regardez, vous allez comprendre tout de suite ce que ça veut dire, Inch'Allah. S'il est autorisé d'allonger un mad, on a dit c'est quoi le moudoud, hein? Qui sait me donner un mot dans le Coran où il y a les trois moudoud? Mad avec le waou, mad avec l'ya, mad avec l'alif. Outina, hein? Le premier c'est quoi? Le waou. Pourquoi? Parce qu'il y a un damma, harf madmoum avant. Ti, lia, parce qu'il y a kasra avant. Na, parce qu'il y a alif, parce qu'il y a une fatha avant. Donc c'est un mot dans le Coran qui répertorie les trois, comme dit Cheikh Al-Hussari dans son livre, qui répertorie les trois moudoud. Outina, hein? Il dit maintenant, si il est autorisé d'allonger un mad, une voyelle longue, quatre temps ou deux temps, et bien c'est quoi tahqiq, vous pensez, comme j'ai dit? Si on a dit que le tahqiq, c'est le faire très posément, très doucement, de manière la plus complète, c'est quoi alors? 4. C'est ça le tahqiq. Eh bien, on lui donne 4. Donc si tu as le choix entre 2 et 4, d'accord? Eh bien, tu donnes combien? 4. Si on peut donner au med un allongement de 4 ou de 6, eh bien, on donne quoi? 6. Et ainsi de suite. Cette récitation est appelée tahqiq. Et ce qui est le plus proche de cette lecture de tahqiq, c'est ce que vous entendez de la récitation du Coran de Sheikh Al-Hussari et de Sheikh Al-Minshawi, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. Leur lecture est la plus proche de la lecture du tahqiq, comme dit Sheikh Bazmoul, hafidhahullah. D'accord ? Vous allez voir en fait que dans les trois qira'at, il y a trois niveaux en fait. Et qu'il y en a une qui est intermédiaire, c'est quoi ? C'est tadwir. On va le voir dans un instant, Inch'Allah. النوع الثاني c'est-à-dire النوع الثاني من القراءات ou plutôt من كيفية القراءة القراءة التدوير القراءة بالترتيل وهي القراءة التي يقرأ يعطي كل حرف حقه ومستحقه حال الوسط أو الوسط إذا كان الحرف يمد اثنتين أو أربع يعطيه اثنتين إذا جاز في الحرف اثنتان أو أربع أو ست يعطيه أربع فهي قراءة متأنية ولكن دون قراءة التحقيق وهذه عامة قراءة القراء الذين تسمعونهم في الأشرطة وفي الراديو قراءة الترتيل d'accord deuxième genre après le tahqiq c'est quoi التدوير C'est le fait de lire avec tertil, c'est-à-dire en donnant à chaque lettre son droit et dû, de manière intermédiaire maintenant. La première, c'était quoi ? Parfaite, complète. Maintenant, c'est quoi ? Intermédiaire. Si la voyelle longue peut être allongée de 2 ou 4 temps, on le fait de 2. Alors que tahqiq, c'était 4. Si on peut l'allonger de 2, 4, ou 6, qu'est-ce qu'on fait ? 4. Hein ? C'est donc ainsi une lecture posée, mais moins que la lecture du tahqiq. Et vous allez donc comprendre que la troisième lecture, c'est quoi ? C'est que tu fais le minimum. Et c'est la lecture du hadr. C'est pour ça, il n'y a pas longtemps, je lisais, une des dernières fois que j'étais avec Cheikh Mohamed Saïd, ici à la mosquée, il me dit « Al-hadr, al-hadr, dépêche-toi », il me dit. Il y a des gens derrière toi, il me dit « Allah, hadr, hadr ». Hafidhahullah, qu'Allah le récompense pour ce qu'il fait dans cette mosquée. Troisième genre, « Al-na'u al-thalith, qira'atul hadr ». وهي أن يقرأ القارئ القرآن الكريم قراءة أسرع من قراءة الترتيل ويعطي لكل حرف حقه ومستحقه على أدنى ما يطلب فيه فإذا كان يجوز في حرف المد حركتان أو أربع مده اثنتين ولم يزد فيه على أدنى حد J'ai oublié de... Je vous ai traduit ce qu'il a dit sur... C'est la deuxième genre, le tadwir, c'est la lecture que vous entendez le plus chez les lecteurs. Dans les cassettes et la radio. Et c'est ce qu'on appelle tertil, d'accord ? J'ai pas lu ça. Okay. Donc troisième, je répète maintenant, al-hadr. وهي أن يقرأ القارئ القرآن الكريم قراءة أسرع من قراءة الترتيل ويعطي لكل حرف حقه ومستحقه على أدنى ما يطلب فيه. فإذا كان يجوز في حرف المد حركتان أو أربع مد واثنتين ولم يزد فيه على أدنى حد. وأقرب قراءة لهذه القراءة هي قراءة الشيخ عبد الله خياط أحد أئمة الحرم المكي الشريف وكل هذه القراءات والصفات الثلاث للقراء مما هو جائز عند أهل العلم وأختم بهذا الفصل النافع من كلام ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر في فاسيتي لابورد الإمام الجزري رحمه الله نتخذي جاز باساج لا Et de toute façon, je ne lirai pas le passage de l'imam Jazir, rahimahullah. On a dit quoi, le troisième genre de récitation du Coran, c'est Al-Hadr. C'est que le lecteur du noble Coran lise le Coran d'une lecture plus rapide que le tertil. Vous avez le tahqiq, vous avez le tadwir, qu'on appelle aussi tertil, d'accord? Et vous avez quoi? Al-hadr. Qu'il donne à chaque lettre son droit et son dû, mais au quoi? Au minimum exigé. On reprend l'exemple de tout à l'heure. Si c'est 2, 4 ou 6, tu donnes quoi? 2. Alors que tadwir, tu donnes 4. Alors que tahqiq, tu donnes 6. Donc tahqiq, tu donnes 6. Et le tadwir, tu donnes 4. Et le hadr, tu donnes 2. C'est clair, hein? Donc c'est quoi l'intermédiaire? Le tadwir. Le tadwir. Hein? La plus haute, la plus complète, la plus basse. Le hadr est donc l'intermédiaire. Tadwir. Si vous suivez, c'est bien. Donc, ce qu'on a dit, c'est que tu le fasses au minimum exigé. La lecture la plus noble, la plus proche de cette lecture, c'est celle de Cheikh Abdullah Khayyat, l'un des imams de la mosquée sacrée de la Mecque. Les trois lectures différentes sont toutes autorisées chez les gens de science. Je conclue par ce passage, Cheikh il dit, bénéfique de l'imam Ibn al-Jazari, mort en l'an 833 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde dans son livre Al-Nashr fi al-Qira'at al-Ashr. C'est un livre donc qui regroupe les 10 récitations du Coran. D'accord? Comme cela. Et je ne vais pas vous le lire, j'avais commencé à le traduire, mais j'ai vu en fait que c'était trop technique pour quelqu'un qui n'était pas des bases dans la langue arabe et qui n'était pas des bases dans le tajwid également. Et si tu vas commencer à traduire l'ishba' fil mad wa al-tishdidat wa al-ghunnat wa et des choses comme ça, hein, c'est très difficile à traduire, donc c'est des choses qui se reproduisent qu'en langue arabe. Hein? Je vous donne la référence pour les frères qui sont curieux. C'est donc Al-Nashr fil Qira'at al-Ashr, volume 1, page 205-209. Alors, pour conclure, on a un petit peu le temps, je vous rapporte une petite histoire que Cheikh Falah Ismail, parce que je l'ai visité ce week-end, et qui a à voir avec ça. Cheikh Falah Ismail, je l'ai visité ce week-end en Allemagne, parce que comme vous le savez, il a été opéré de l'œil, d'un œil, et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il le guérisse. On parlait, on a posé une question, moi et Oustad Mouad, qui est un des professeurs qui enseigne le Coran ici à l'école, notre frère soudanais, on a posé une question sur le Qira'at. On a rapporté une parole de Hamad al-Ansari sur le fait de tout ce qui concerne le Qira'at et tout ça. Et Cheikh Falah Ismail a dit non, en fait, ce qui n'est pas aimé par les savants, c'est ce qu'on appelle Mubalagha fil Qira'at. Hein? Puis il a cité une histoire, il a dit que le fils de Cheikh Falah Ismail, c'est-à-dire son propre fils, Mohamed, eh bien, il a l'ijaza dans les 10 récitations du Coran. Hein? Il a pris avec Cheikh Abdel Karim Shatir. Abdel Karim Shatir, vous ouvrez le mushaf là-bas de Médine, il y a son nom dedans, à la fin. D'accord? Et il a dit que c'est le plus haut sanad actuellement, c'est le Cheikh de Qurra, Abdel Karim Shatir. Hein? Et donc, Mohamed, son fils, il a pris le Qira'at al-Ashr avec ça, avec ce Cheikh-là qui est Abdel Karim Shatir. Donc, son fils, Mohamed, il a dit, ce serait bien qu'une fois qu'on prenne ce Cheikh avec nous, fait le Hajj, parce que vous savez que Cheikh Falah Ismail, il s'occupe de le Hajj pour beaucoup de gens au Koweït, ce qu'on appelle l'Hamla. Hein? Et cette fois-là, donc, il a dit, c'est un invité, on le prend, c'est ton Cheikh, parmi les gens du Coran, on le prend avec nous, et ils sont donc partis avec plus de 500 personnes à le Hajj. D'accord? Évidemment, ils sont arrivés à Arafat. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cheikh Falah Ismail, il a dit, tfaddal, c'était l'heure de la prière, il a dit, tfaddal, Cheikh Shatir, il a dit, anta aqra'una, hein, du kitab Allah Azza wa Jal. Il a dit, tu es le plus savant de Qira'a al-Qur'an. Il a dit, tfaddal. Donc les gens, ils se sont installés, etc. Ils se sont mis dans les rangs, etc. Et puis, Cheikh, il dit, Cheikh Shatir, il commence, je vais pas le faire, parce que bon, Cheikh Falah Ismail, il l'a fait avec tes joues, moi, je vais pas le faire. Hein. Il dit, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. À voix haute. Il n'y a personne qui réagit là déjà, ce n'est pas un bon signe. Hein? On a Arafat, les frères. C'est à voix basse, les frères. Cheikh, il a dit Subhanallah. Il a dit, il était dans son oreille, il a fait c'est rien, ya Cheikh. Il a dit c'est à voix basse. Et puis le Cheikh, il a terminé sa lecture à voix basse en fait. Après, Cheikh Chater, il a regardé Cheikh Falah Ismail après la prière. Hein? Il a dit, ma hiya mitl gumoua. C'est pas comme. Il a dit, la, j'ai ma hiya mitl gumoua. Il a dit, c'est pas comme je moi. Je dis, regardez, des fois, hein, trouver quelqu'un a dit que, il a dit, ces gens-là, c'est l'édition imprimée du Coran, elle est corrigée sur leur hifd. À telle époque, Abbas al-Samad, c'est lui qui a trouvé notamment une des erreurs qu'il y avait dans l'édition, à part son hifd. Donc, on a corrigé l'édition du Mus'haf par son hifd. Hein? Donc, c'est important de donner l'ilm, le temps au Qira'at al-Qur'an, mais il faut donner tout ce qui va avec aussi. Parce que c'est un ilm aussi, là, c'est pas une raya, c'est un moyen, c'est pas un but en soi. D'accord? Et donc, ça, c'était pour la petite histoire. Wa Allahu a'lam, wa jazakumullahu khairan, wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.